Rachel de Carreau, Le Père Noël s'appelle. Lue par Sabine, avec l'aimable autorisation de l'auteur. Justin joue avec une boule de Noël décrochée du sapin. La maman le sermonne. Arrête de lancer cette boule, Justin, tu vas la casser. Le Père Noël ne sera pas content si le sapin n'est pas bien décoré. Remets-la sur la branche. Justin, tout en obéissant à maman, lui demande « Il s'appelle comment, le Père Noël ?»« Ben, Père Noël, il n'a pas de prénom. » Justin a bien appris à son école que l'on a un nom et un prénom, et il sait écrire le sien. Maman hésite « Je ne sais pas. » Justin reprend « Johan dit qu'il s'appelle Thomas et que c'est son papa. » Maman sourit. Elle connaît ce petit copain de son fils. Johan a un grand frère et il doit être au courant de bien des secrets. Elle sait aussi que le papa de Johan s'appelle Thomas. À son tour, elle demande « Et tu le crois aussi que c'est Thomas, le père de Johan, qui est le Père Noël ?»« Oh non, non !» Des larmes brillent soudain dans les yeux de Justin. Maman prend son petit garçon dans ses bras et reprend « Tu sais, mon chéri, le Père Noël, il a beaucoup, beaucoup de travail avec tous les enfants du monde. Je pense que parfois il doit demander de l'aide. Il a peut-être demandé à Thomas, le papa de ton copain, de distribuer les cadeaux dans leur immeuble, tu sais. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. » Justin hoche la tête. « Je sais. Mais pourquoi il n'a pas demandé à mon papa, à moi ? » ?»« Peut-être que cela viendra un jour. » Tu serais d'accord, et puis fier aussi. Oui, oui, je voudrais bien, mais... Mais alors, il s'appelle comment, le Père Noël? Il faudrait le lui demander. Tu veux qu'on lui écrive une lettre? On la laissera sous le sapin, peut-être qu'il te répondra. Va chercher un papier et des crayons, et tu feras aussi un beau dessin. Avant d'y aller, Justin pose à nouveau une question. Et le Père Noël? Il demande pas de l'aide aux mamans. Maman sourit. Les mamans aident la mère Noël à confectionner tous les gâteaux, bonbons et chocolats pour le réveillon. Justin rit. Et je t'ai aidé, maman, quand tu as fait des truffes. Justin se jette dans les bras de sa maman. Je t'aime, maman. Maman serre son petit garçon dans ses bras et lui murmure à l'oreille. Je t'aime aussi, mon chéri. Tu sais, Noël, c'est la fête de l'amour. Et elle essuie d'un baiser tendre la larme qui brillait encore sur la joue de Justin. 16 novembre 2017.